dans le monde, il enlève son masque et il commence à parler. Effectivement. Alors, je suis vraiment content d'être ici. Je ne m'attendais pas ce matin à avoir des gens devant moi. La dernière fois que j'étais passé ici, j'étais tout seul avec 3-4 personnes en avant, puis je me fixais les yeux sur la caméra. Et pour ceux qui l'ont vécu, là, faire un message en fixant la caméra, quand on est habitué là, de regarder tout le monde, c'est pas évident. Donc là, je sais qu'il y a des gens, si je comprends bien, j'en ai en arrière de moi, puis il y en a dans les maisons. Donc, mes yeux vont se promener en avant. Ils ne se promèneront pas en arrière. Je vais regarder la caméra, par exemple, pour être sûr. Alors, comme Éric le disait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis fier membre de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et c'est moi qui ai l'honneur de vous apporter la parole ce matin. Puis, comme j'ai l'habitude de faire, je vais commencer ça avec une petite question pour vous autres. Est-ce que vous êtes déprimé? C'est pas parce que je suis arrivé tantôt puis je vous ai regardé à la face, j'ai dit « Oh mon dos, ici, ils sont déprimés. » Non, je ne me suis pas posé la question, là. C'est plus que, quand on regarde les nouvelles, y a-t-il quelque chose qui vous déprime? La COVID-19? J'étais obligé de dire ce mot-là, là, je veux dire, on est tellement là-dedans. Mais peut-être aussi le fait d'être obligé de porter un masque. Le fait de pouvoir se réunir juste quelques personnes ensemble. Le fait qu'on peut pratiquement pas voir nos amis. Nous, en Mauricie, on est tombé en zone rouge hier. Donc, on avait encore une légère liberté pour voir des gens, mais là, ça vient de s'éteindre. Peut-être que ce qui vous déprime, c'est le fait qu'on ne peut plus aller au restaurant. En tout cas, moi, ça vient me chercher, ça. Peut-être que ce qui vous déprime, c'est de ne pas aller au cinéma. Pas aller voir un match de hockey. Puis, mettons, je change de registre. Il y a peut-être d'autres choses qui vous dépriment. La pollution. Pas chier que ça non plus. Peut-être que c'est le niveau des océans là, qui monte sans cesse, puis ça vient vous chercher. Les animaux en voie d'extinction. Je peux continuer, hein? Je pense au monde politique. Peut-être que c'est Trump qui vous déprime. Peut-être que c'est la dette canadienne. Moi, ça vient me chercher, la dette canadienne. Quand on voit tout ce qui arrive présentement, je me dis, aïe, aïe, aïe, comment on va faire pour payer ça? Donc, vous voyez, la liste est longue, là, je pourrais passer toute l'avant-midi à vous nommer des sujets qui dépriment. Sauf que, et c'est le titre de mon message de ce matin, quand je prends le bon chemin, ma vie a un sens. Et peut-être ce matin, tu te dis, OK, mais c'est quoi le bon chemin? Il y a plusieurs possibilités, hein? Notre vie est comme un labyrinthe, comme on voit à l'écran, où est-ce que on avance, on vire à droite, on vire à gauche, on pogne un cul-de-sac, des fois on ne sait pas où aller. La vie est un peu comme ça. Mais si tu prends le bon chemin ce matin, la vie a un sens. Et si tu te poses la question, c'est quoi le bon chemin? Je ne passerai pas par quatre chemins pour vous dire que c'est Jésus. Le bon chemin, c'est Jésus. Et d'un, parce qu'il le dit lui-même dans la Bible, hein, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais et de deux, si vous êtes comme moi, vous avez essayé d'autres chemins dans la vie. Vous avez essayé des détours. Peut-être un chemin qui avait l'air, oh, l'asphalte avait l'air bien plus belle par là, mais en bout de ligne, cul-de-sac, on ne sait plus où aller. Prenez le chemin de Jésus ce matin. On va regarder ça ensemble, mais soyez assurés d'une chose. Et vous pouvez dire la même chose que moi ce matin, j'en suis convaincu. Vous n'avez essayé des chemins dans la vie. Mais le seul qui peut satisfaire, le seul qui a le pouvoir de satisfaire ton âme, c'est Jésus. Et pour toi ce matin qui dit, bon, le prédicateur en avant, il revient là-dessus, ça fait 20 ans que je viens à l'Église, ou même 30 ans, ou peut-être 40 ans. Bien, tant mieux si tu tiens la main de Jésus, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais te dire que la vie chrétienne, c'est pas comme attendre à un arrêt d'autobus que l'autobus passe. C'est pas tout d'avoir saisi la main de Jésus puis de lui faire confiance dans notre vie, mais c'est de marcher avec lui. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vous invite à tourner dans la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et nous serons au chapitre 12. Donc, Romains chapitre 12. Et on va voir ensemble les versets 1 à 8. Romains chapitre 12, les versets 1 à 8. Alors, on va voir ce matin différentes choses. On va parler, entre autres, bien, marcher dans le bon chemin, c'est bien beau, mais comment je fais ça? On va le voir. On va voir différentes choses. Et vers la fin, on va voir aussi différents dons. 7 dons que Paul parle. Évidemment, il y en a plus que ça. Mais dans le texte d'aujourd'hui, il y en a 7. Et c'est vraiment, j'ai passé la semaine dans ce message-là. J'ai trippé au bout. J'espère être capable de vous le rendre comme moi, je trippais dans ma maison en train de préparer tout ça. Alors, on lit les versets 1 à 8. Donc, c'est Paul qui parle aux Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On va prier pour commencer. Père éternel, merci pour ce moment qu'on peut avoir avec toi ce matin. On se sent en sécurité ici, Seigneur, parce qu'on est en train d'apprendre sur toi. On sait que tu es là, tu es présent par ton esprit. Puis, ma petite introduction sur les déprimes, Seigneur, c'est juste pour qu'on se rende compte que oui, c'est là, mais ça n'a pas besoin de prendre toute la place dans notre cœur. Ce qui a besoin de prendre toute la place dans notre cœur, c'est toi. Et aide-nous ce matin, pas juste ce matin, mais pour les jours à venir, pour le reste de notre vie, à te laisser le contrôle de notre vie, à te faire confiance et à te suivre là où tu nous veux bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous allez voir, là, la majorité d'entre vous est assez habituée. J'avance verset par verset. Okay, on n'est pas obligé de faire ça comme ça, mais je me suis rendu compte, personnellement, quand j'étudie le texte durant la semaine, ça va tellement bien après ça de décortiquer. Puis après ça, durant la semaine, je relis le même texte, puis je fais « Ah, wow, là j'ai saisi des choses. » Donc, je vous l'apporte de cette façon-là ce matin. Alors, je vais m'assurer que ça fonctionne, cette machine. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Alors, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassion. » Quand un texte commence par « je vous exhorte donc », tu sais les petits mots là, « donc », « ensuite », « mais », tu sais comment c'est pas en lisant ça de même, on ne sait même pas qu'est-ce qui arrive avant. Donc c'est important peut-être d'aller un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'il veut dire Paul ici dans le contexte. Alors je vais prendre le verset de Romains 11, verset 36, le verset qui vient juste avant le chapitre 12, et ça dit « c'est de lui, hein, Dieu, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors, Paul commence vraiment le chapitre 12 en disant, « La gloire va à Dieu. » On a compris ça? Maintenant, « je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu. » Les compassions. Hey, savez-vous ce que ça veut dire, ça? Compassion. C'est beau, tu sais, je compatis avec toi. Mais quand on va en profondeur, dans l'origine du mot, hein, faut pas oublier qu'au début, la Bible était écrite, l'Ancien Testament était écrit en grec, donc ça a été traduit. Mais quand on va dans l'origine du mot, en gros, compassion, ça veut dire un sentiment, OK, par lequel un individu est porté à aider quelqu'un, est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance de quelqu'un, et non seulement il le perçoit, mais il veut l'aider. Il veut lui donner tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à passer à travers ce qu'il vit actuellement. Donc, quand vous voyez par les compassions de Dieu, Dieu, il nous comprend. Si vous souffrez actuellement, Dieu nous comprend. Si vous vivez une joie actuellement, Dieu vous comprend. C'est ça qui est merveilleux. Donc, Paul est dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand je suis arrivé à l'église il y a plusieurs années, ça, c'est un verset qu'il fallait apprendre par cœur là, dans un camp et tout ça. Puis, hey, moi, offrir mon corps comme un sacrifice vivant, la seule image que j'avais, c'était de me mettre du gaz sur moi et de me brûler. Là, je faisais, je ne peux pas croire que c'est ça que Dieu veut, ça ne fonctionne pas. Évidemment, j'étais jeune et insouciant à ce moment-là. J'ai pris un petit peu de maturité et je suis allé chercher un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Mais s'offrir comme un sacrifice vivant, retenez bien ça, chers amis, c'est le seul acte d'adoration qui vaut la peine pour Dieu. À l'époque, quand Paul a écrit aux Romains, il était dans une transition. Hein? Jésus venait d'arriver, mais juste avant Jésus, qu'est-ce qu'il faisait pour adorer Dieu? Il mettait des animaux sur l'autel et le faisait brûler. C'est pour ça que j'avais l'image de me faire brûler moi aussi, je ne comprenais pas. Mais à l'époque, c'était la façon de faire. Si tu péchais, tu prenais la plus belle de tes brebis, celle sans tache, tu la mettais sur l'autel, tu la faisais brûler, et c'était un signe que tu donnais à Dieu le meilleur de toi-même afin d'être pardonné. Quand Jésus est arrivé, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À partir du moment où Jésus est mort sur la croix, nous n'avons plus besoin de faire ce genre de sacrifice-là. Jésus a payé pour nos fautes. Et donc, c'est pour ça que Paul est dit, « Offrez-vous comme sacrifice vivant. Adorez Dieu, mais de manière tout entière. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le mot « raisonnable » ici, en grec, ça veut dire « logique ». Ce qui sera de votre part un culte logique. Pourquoi c'est logique de s'offrir comme un sacrifice vivant? Dieu nous a sauvés. Dieu nous réserve une place au ciel pour tous ceux qui croient que Jésus a payé à la croix pour eux. OK, j'ai fait des niaiseries, je vais en faire encore. Je demande pardon et je fais confiance que Dieu a payé pour ça, par Jésus. Mais Dieu, il me dit, j'ai une petite place pour toi, Patrick, qui t'attend au ciel. C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas logique de m'offrir entièrement à lui dans ce contexte-là? Bien, certainement que c'est logique. Donc, prendre le bon chemin, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant en se donnant entièrement au Seigneur. OK, vous avez appris à l'école sûrement les pointes de tarte, là, un corps, deux corps, trois corps. Nous, c'est quatre corps, OK? Il faut se donner entièrement. On donne toute la tarte à Dieu. C'est aussi en ayant un cœur dévoué pour la cause de Christ. Parmi nous ici, présentement, il y a des gens qui se dévouent pour toutes sortes de choses. Peut-être que c'est la recherche contre le cancer. Peut-être que vous vous dévouez pour une maison où est-ce que des femmes qui subissent de la violence conjugale. Peut-être que vous vous dévouez dans votre travail. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais au travail, moi, le matin, je m'arrange pour ne me coucher pas trop tard le soir, je mets mon cadran le matin, je déjeune bien, puis je m'en vais travailler, puis j'offre le meilleur de moi-même. Bien, c'est ce qu'on doit faire aussi le dimanche matin pour venir à l'église. On met notre cadran, on déjeune pour être, bien, en tout cas, moi je déjeune, puis on va à l'église, puis on se donne tout entier, puis ça devrait être comme ça à tous les jours, parce que notre roi, notre maître, c'est Dieu. Et offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est aussi en faisant passer Dieu en premier dans les petites comme les grandes choses. On le voit dans les évangiles. Hein? Donc, soyons fidèles dans les petites choses. Dieu nous confiera des plus grandes, s'il le veut, si c'est sa volonté. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est intéressant aussi. Ne vous conformez pas. Savez-vous ce que ça veut dire? Conformer. Se conformer, c'est donner une expression extérieure de soi, mais pas vraiment le penser dans notre tête. Je vous donne un exemple concret. Okay? Ma femme, des fois, elle fait toujours de la très bonne bouffe, mais des fois, elle va un petit peu plus du côté santé. Tu sais, la nourriture santé, là, OK? Imaginez ce que vous voulez. Et des fois, les enfants, on a trois filles, ils mangent, puis tu sais, ça paraît là, que c'est pas incroyable comme bouffe ce soir-là. Et là, on a fini de manger un soir, puis ma femme a dit, « Pilez, avez-vous aimé ça? » Et là, j'ai trois filles, moi, fait que on est quatre. Sur les quatre, il y en a trois qui ont dit, « oui, c'était bon. » Mais dans le fond, nous, on ne le pensait pas pantoute. Pourquoi qu'on a fait ça? On ne voulait pas y faire de la peine. Okay? Donc, on s'est conformé d'un sens. Et mon autre fille, elle a fait, « J'ai aimé ton repas, mais c'était un petit peu pas bon. » Fait qu'elle, elle s'est pas conformée. Elle a voulu, par amour, essayer d'expliquer à maman que c'était vraiment mauvais ce soir, mais je veux pas te faire de la peine, tu t'es quand même forcé pour faire de la nourriture. Donc, se conformer au siècle présent, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le siècle présent, c'est le premier siècle. Jésus vient de mourir, ça a été écrit quelques années après. À cette époque-là, se conformer au siècle présent, c'est différent de nous aujourd'hui. Mais à la base, c'est quand même, il y a un parallèle à faire. Eux, à ce moment-là, Paul écrit à des Juifs. Paul écrit à des Romains. Et on le sait que pour faire partie du peuple de Dieu à ce moment-là, bien, par exemple, les jeunes garçons doivent se faire circoncire. C'est un signe visuel qui dit « Ah, lui, il fait partie du peuple de Dieu. » Paul est en train de leur dire « Ne vous conformez pas au siècle présent. Arrêtez de faire ça. Jésus a tout payé. » Ce n'est pas Jésus plus la circoncision, ou bien Jésus plus les belles grandes prières, ou Jésus plus être bien habillé. C'est Jésus tout seul. Okay? Il y a un livre, hein? Jésus plus rien égale tout. C'est carrément ça. On a juste besoin de Jésus. Donc, il est en train de dire aux Romains qui sont en train de devenir chrétiens, arrêtez de faire des choses pour faire plaisir aux autres ou pour imiter les autres, mais faites ce que Dieu veut. Puis ce que Dieu veut, c'est que vous mettez votre foi en Jésus, tout simplement. Aujourd'hui, se conformer au siècle présent, ce serait quoi? Malheureusement, on peut encore se conformer au siècle présent. On le voit beaucoup plus. Ça commence souvent à l'école secondaire. On va se le dire, là. On est influencé par nos amis. On ne veut pas perdre nos amis. Et nous, en tant que chrétiens ou provenant d'une famille chrétienne, bien, on ne veut pas faire de la peine à nos amis, fait qu'on fait comme eux. Puis là, bien, on se met à, je sais pas moi, à sortir avec un paquet de filles, ou bien à commencer la drogue ou l'alcool, ou on se laisse influencer pour faire du vandalisme, ou peu importe. Mais justement, il ne faut pas faire ça. C'est pas ça. L'idée, c'est pas d'embarquer avec le monde. Jésus le dit, puis je l'ai mis ici, hein. Prendre le bon chemin, c'est se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence en acceptant que nous devons aimer le monde sans les imiter en tout point. Et Jésus a fait toute une prière dans Jean 17, 15, une prière à son Père, puis il dit, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, volontairement, Dieu nous a positionnés dans le monde, à Victoriaville. On est entouré de gens qui viennent de toutes sortes de milieux, et on pourrait se laisser influencer. Mais lorsqu'on est solidement ancré dans les Écritures, il ne faut pas se laisser influencer. Il faut les aimer, ces gens-là, comme Jésus les aime. Mais il ne faut pas nécessairement faire comme eux dans certaines situations. Prendre le bon chemin, c'est se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence en laissant le Saint-Esprit agir en nous et dans les autres. J'ai marqué, on ne peut pas tout faire. Jésus a dit, après être ressuscité, il a dit à ses apôtres, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça veut dire qu'il continue à travailler dans le cœur des gens. Moi, j'aimerais ça ici, présentement, là, tout vous dire la Bible pour que vous saisissiez tout ce matin. Mais la réalité, c'est que je vous donne un morceau de casse-tête, puis vous êtes en train de remplir le casse-tête vous-même par le Saint-Esprit. Mais avec ce petit morceau-là, vous allez le mettre avec les autres morceaux que vous avez dimanche après dimanche ou dans la vie commune, dans la vie habituelle. Donc, quand j'ai commencé, moi, à prêcher, comme je fais présentement, je voulais tout dire. Fait que mes messages duraient longtemps. Puis là, à un moment donné, on m'a dit, Gapat, on ne peut pas tout dire d'un dimanche matin. Concentre-toi, puis il va y avoir d'autres dimanches. Hein? Il va y avoir d'autres moments, il va y avoir d'autres frères et sœurs qui vont faire un travail dans le cœur des gens, par le Saint-Esprit toujours. Et là, on s'enlève une pression en faisant ça comme ça. Et c'est aussi en discernant la volonté de Dieu. Donc, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, c'est laisser le Saint-Esprit agir. Si nous croyons que Jésus a payé pour nous, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour, c'est donc qu'on croit que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, on doit le laisser agir. On doit discerner la volonté de Dieu en le priant. Puis, on le voit dans Proverbes 19-21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Okay, je vous confirme que dans mon cœur, il y a beaucoup de projets. Mais en bout de ligne, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Moi, je rêve d'implanter une église. Je vous en ai peut-être déjà parlé, là. Ça fait au moins 10 ans que je rêve de ça. Il n'y en a pas d'opportunité actuellement. Mais c'est-à-dire, il y en a, mais avec le contexte que je vis, moi, il n'y en a pas. Puis j'ai été triste longtemps avec ça. Je me dis, comment ça, là, je perds mon temps, là, tu sais, je vieillis, là, j'ai 38 ans, là, il me semble que ça serait le fun, là, pendant que j'ai encore de l'énergie, là, de pouvoir m'impliquer là-dedans. Mais Dieu, présentement, il me dit, Gapat, c'est soit non, c'est soit peut-être un jour, mais c'est clairement pas oui pour l'instant. Puis je dois accepter ça. Et depuis à peine un an, OK, ça va faire 20 ans là, que je vais dans une église, là. Puis depuis à peine un an, j'ai commencé à dire, « Ah, si c'est la volonté de Dieu, je ferai telle chose, comme dans Jacques 3. Hein, » Puis au début, je niaisais, là, je ne le cacherai pas. Là. Je disais à ma femme, « Ah, si c'est la volonté de Dieu, parce que c'est arrivé donc bien souvent, mettons, j'avais prévu une journée de congé, puis là, je dis, ah, yes, aujourd'hui, ça va être ma journée à moi. » Tu sais, une femme pourrait dire, « Je vais aller magasiner toute la journée. Tu » sais. Moi, c'est comme plus, je vais juste relaxer. Aujourd'hui, ça va me faire du bien. Puis, qu'est-ce qui arrive? Une de mes trois filles qui a la gastro. Ou quelqu'un qui appelle qui a vraiment besoin d'aide, c'est cette journée-là. Puis là, tu sais, tu peux pas dire, « Non, non, gars, aujourd'hui, c'est ma journée. » Là, tu vas aller aider la personne. Là, à cette heure, je fais, « Si c'est la volonté de Dieu, il arrivera telle chose. » On est allé au camp des boulots dernièrement, toute la famille, à l'Action de grâce. Donc, je parlais avec madame tantôt, puis c'est un peu la même chose. Le camp est fermé à cause de la COVID, mais il est ouvert pour les familles qui voulaient juste louer un chalet tranquille. Puis je vous le dis, là, jusqu'à temps que j'avais mis les pieds dans le chalet, ça prend 5 heures de se rendre là-bas. Je disais, si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous rendre. Hein? Et il aurait pu arriver une crevaison, il aurait pu arriver quelqu'un qui a de la fièvre, oublie ça, là, quelqu'un qui a de la fièvre aujourd'hui. Là. Puis il aurait pu arriver pire, quelqu'un que un de mes enfants qui me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens plus rien présentement. Ah, oh, non! Fait qu'il n'est pas arrivé ça. On a pu aller au camp des boulots tranquille et on a eu un temps béni là-bas. Mais vraiment discerner la volonté de Dieu, on se met beaucoup moins de stress. Puis si les choses ne fonctionnent pas comme on veut, mais ils fonctionnent comme Dieu veut. Puis ça aussi, c'est intéressant de savoir ça. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça, c'est très intéressant parce que dans la Bible n'encourage jamais de développer une supériorité, un complexe de supériorité. Et pour certains chrétiens, on peut penser des fois, « Hey, Dieu m'a sauvé. Hein, j'étais perdu dans mes péchés, je m'enlignais pour me noyer complètement. Jésus est venu me chercher, il est mort à ma place, il m'a sauvé. » On pourrait penser que c'est un petit peu parce que j'ai fait quelque chose de bien. Je dois le mériter. Mais non, c'est vraiment pas ça. Je ne suis même pas capable de savoir pourquoi Dieu m'a sauvé. C'est sa grâce. Il m'a sauvé parce que je n'ai pas la réponse. Dieu l'a, mais moi, je ne l'ai pas. Je n'ai rien fait de particulier. Donc, je ne peux pas me dire que je suis supérieur à un autre. OK? Au contraire, ce que Paul nous demande ici, c'est de revêtir des sentiments modestes. Puis, je ne vous le cacherai pas, c'est un combat dans ma vie, ça. De pas tomber dans l'orgueil, mais d'y aller plus au niveau humilité, d'être plus humble. C'est un combat dans ma vie. Et en vieillissant, des fois, j'ai l'impression que ça ne s'améliore pas. Mais je travaille là-dessus. Ma femme aussi m'aide à travailler là-dessus. Ça, c'est agréable. Donc, prendre le bon chemin, c'est revêtir des sentiments modestes en étant rempli d'humilité. Et à au moins 2 occasions dans la Bible, on voit un verset qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Si je crois que la parole de Dieu est la vérité ce matin, je vais respecter ça. Puis, je suis content d'être tombé sur un texte qui en parle parce que moi, le premier, je suis touché par ça actuellement. Je dois travailler énormément fort là-dessus. Et revertir des sentiments modestes, c'est aussi en faisant passer les autres avant soi. Paul écrit une lettre aux Philippiens, puis il est le fun, lui, parce qu'il est facile à retourner, Philippiens 2, 3, 4, ça se retient bien, mais c'est à cet endroit-là que Paul dit, faites passer les autres avant vous. C'est vraiment une bonne façon de ne pas souffrir de supériorité, de montrer qu'on veut aimer et aider les gens. Faites passer les autres avant vous. Dans Actes ou Romains, j'ai oublié, là, ça me vient là, mais Paul dit que le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est vrai. C'est sûr que c'est le fun de recevoir un cadeau, là, on ne se le cachera pas, mais aider les autres, encourager les autres, leur offrir un cadeau de toutes sortes de manières, ça peut être financier, mais ça peut être offrir notre temps. Hey, quand on voit la personne qui dit « Merci, j'avais vraiment besoin. » Tabarouette, c'est vrai qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir dans le contexte. Là. OK, versets 4 et 5. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Ce passage-là qui est central ce matin, c'est l'Église. On a tous des dons différents et la pire chose qu'on pourrait faire, c'est d'être jaloux ou d'envier un frère ou une sœur ici présent. On a réellement tous des dons différents, mais on est tous membres les uns des autres. Et vous avez sûrement eu un message sur 1 Corinthiens 12, entre autres, qui parle hein, que si toi, tu es le gros orteil, ben tu es chanceux parce que moi, je suis le petit orteil, puis quand je me pète le petit orteil, ben ça fait mal. Sauf que quand ça fait mal, c'est parce que mon cerveau il a allumé que ça faisait mal. On est tous membres. Si le petit orteil s'est fait mal, là, ben c'est tout le corps qui a mal. C'est la même chose dans l'Église. Quand il y en a un qui souffre, c'est toute l'Église qui souffre. Quand il y en a un qui est joyeux, c'est toute l'Église qui est heureuse aussi. Donc, c'est ce que Paul nous dit ici. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et on n'a pas tous la même fonction, mais en bout de ligne, on est tous tissés serrés ensemble. Et ça, c'est vraiment l'Église locale. Vous savez, on pourrait prendre ce texte-là comme étant l'Église universelle. Okay? On a tous, exemple, il y a des dons à Shawinigan, il y a des dons à Victo, il y a des dons à Drummond. Tu sais, on pourrait penser comme ça, et c'est vrai aussi. Mais l'Église locale, c'est le reflet de l'Église universelle. Et c'est pour ça qu'ici, à Victoriaville, actuellement, il y a assez de dons. Dieu a donné assez de dons pour tout le monde. Vous n'avez tous au moins un, OK? Fait qu'il y a personne ici qui doit dire, « Moi, je ne pense pas que j'aille de dons. D'après moi, Dieu m'a oublié. » Non, non, non, non. On a tous un don. Puis un des dons principaux que souvent les gens oublient, c'est la prière. Peut-être qu'au niveau de la mobilité physique, au niveau psychologique, c'est plus difficile, vous avez moins d'énergie, peu importe. Prier ne demande pas tant d'énergie et c'est vraiment le travail, c'est un travail puissant qui se fait en profondeur. Il y a des gens comme moi qui ont un micro devant la face, mais s'il n'y a personne qui prie pour que le message se rende dans le cœur des gens, il va manquer quelque chose. Donc, on a tous des dons et on va en voir quelques-uns ici. Donc, prendre le bon chemin, c'est former un seul corps en Christ. Et imaginez l'Église locale de Victoriaville ici présente. Vous êtes un seul corps en Christ. Vous êtes ensemble. Et comment qu'on peut former un seul corps en Christ? Bien, c'est en étant content de la place que Dieu nous donne dans le corps de Christ. Vous savez, un jour, on peut être pasteur, l'autre jour, on ne l'est plus. Un jour, on peut être responsable de l'école du dimanche, l'autre jour, c'est quelqu'un d'autre. Dieu ne nous a jamais dit que le don qu'il va nous donner le jour 1 va être le même dans le jour 10 000. Ça peut changer, on peut avoir un accident, on peut devenir plus fatigué, on peut vieillir, il arrive toutes sortes de choses dans la vie qui fait que ça va bouger, tout ça. Puis c'est normal. Il faut se le rappeler. Des fois, là, il faut laisser notre place à un plus jeune. Ça peut arriver ça aussi. Et c'est sain dans une église de voir la nouvelle génération pousser puis prendre sa place, puis les plus vieux être là comme des mentors, comme des coachs. Ça, c'est très sain dans une église de voir ces choses-là. Donc, acceptons la place que Dieu nous donne dans le corps de Christ et acceptons surtout que ça peut changer dans les jours suivants. Et c'est en acceptant qu'on peut être du côté des aidants comme des aidés. Ça aussi, hein, on pense toujours que parce qu'on est chrétien, on va être du côté des aidants. Moi, il faut que j'aide le monde. Mais non, peut-être aussi qu'on fait partie du corps de Christ pour être aidé. Puis peut-être que ça va être les deux. Juste personnellement, là, présentement, je suis du côté des aidants. Il y a 3 nouvelles personnes qui viennent d'arriver à l'église. C'est ça que je disais à Eric tantôt. Je trouve ça spécial, pas à Eric, mais au gars en arrière, je disais, je trouve ça spécial comment Dieu fait les choses. Rentrer dans une église, dans un contexte de COVID, tout le monde a des masques, on ne peut pratiquement pas se parler. Pour les enfants, il n'y a pas grand-chose. On est 25, là, puis il y a un autre groupe là-bas, vous savez qu'ils sont à côté, puis on ne peut pas se voir. Mais tabarouette, Dieu permet de faire rentrer du nouveau monde dans l'église quand même. C'est pas merveilleux, ça? C'est la preuve qui contrôle. Et là, à l'église de Shawinigan-Sud, on a 3 nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et ma femme et moi, on aime les prendre en charge, puis prendre un petit temps avec eux, et on utilise une application qui s'appelle « Je suis deuxième ». Est-ce que vous connaissez ça? « Je suis deuxième ». Moi, là, j'ai toujours dit, mieux vaut prendre la Bible pour étudier avec la personne, et c'est vrai. L'avantage de « Je suis deuxième », c'est la Bible. Mais c'est juste qu'il nous aide à avoir vraiment une discussion avec les gens. Ce n'est pas juste un enseignement. Tu sais, moi, je suis l'enseignant, puis je vais vous montrer comment. C'est vraiment une discussion. Et ça amène les gens à connaître Jésus, mais en profondeur. Donc, présentement, on aide à ce niveau-là, puis c'est beau de voir les gens faire des pas supplémentaires pour connaître Jésus un peu plus. Mais on a déjà été du côté des aidés, et on va l'être aussi encore, c'est sûr. Par exemple, quand ma femme a eu les 3 enfants, pas tout en même temps, on n'a pas des triplés, mais à chaque fois, on a une tradition à l'église où est-ce que les gens viennent porter un peu de nourriture. Puis on n'a jamais dit, ah non, merci, on va commander, on va livrer. Non, non, non, on a besoin d'aide. On est fatigué. On a besoin que quelqu'un vienne nous voir. Puis là, on a des gens de l'Église qui viennent nous apporter de la nourriture. Hey, merci Seigneur. Donc, il faut accepter aussi qu'on peut être du côté des aidés, parfois. Verset 6, on rentre dans les dons et ça commence très fort. Puisque nous avons des dons différents, hein, des dons différents et complémentaires d'ailleurs, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le don de prophétie. Y a-t-il des prophètes ici? On n'ose peut-être pas lever la main, mais il y en a. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que nous, en 2020, un prophète, ça sonne bizarre. On va se le dire, là. Prophétie ici, ça n'a aucun rapport avec des prédictions. Ça n'a aucun rapport avec une voyante ou des diseurs de bonne aventure. Prophétie en grec veut dire proclamer. Et proclamer quoi dans le contexte ici? Bien, c'est proclamer la parole de Dieu. Donc, au moment où le texte a été écrit, Jésus est mort il y a quelques années, il y a des prophètes, mais vraiment dans le sens où ils vont proclamer soit l'Ancien Testament, parce qu'ils ont déjà accès à beaucoup de livres à ce niveau-là, ou ils vont proclamer une parole de Dieu. Où est-ce qu'on peut venir la valider par l'Ancien Testament? Okay, donc, un prophète à ce moment-là, c'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui va proclamer la parole de Dieu, mais qu'on va pouvoir, par les Écritures, valider qu'il dit vrai. Aujourd'hui, en 2020, Dieu a décidé de nous donner ça ici, la Bible, et il dit lui-même que c'est sa parole. Elle est complète d'un couvert à l'autre. Donc, si quelqu'un vous annonce la fin du monde demain, bien vous pouvez aller valider dans la Bible que, à moins que le Seigneur revienne, il y a quand même des signes qui nous disent qu'il est peut-être dans le champ, l'individu qui parle de ça. Okay? Puis on ne se le cachera pas avec la pandémie qui a lieu actuellement. On en voit plein de ça. Des gens qui disent, oh, on a la pandémie, ça sent la fin du monde. Bien, avant la pandémie, ça sentait aussi la fin du monde, puis en 1700, il y avait d'autres pandémies, puis en 1500, il y avait d'autres pandémies. Okay, il ne faut pas tomber trop là, dans essayer de se faire des idées là-dessus, Jésus a dit, je reviens bientôt. That's it. Allez pas plus loin. Il va y avoir des signes, peut-être que ça fait partie des signes, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que quelqu'un, un prophète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui proclame la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui l'a au bout de ses doigts. Ce n'est pas nécessairement un prédicateur en avant. Oui, présentement, on pourrait dire que je proclame la parole de Dieu. Mais il peut y avoir des gens dans l'Église qui ont vraiment cette capacité de retenir les passages bibliques puis de pouvoir les dire au bon moment. Ce serait considéré comme des prophètes. Donc, je comprends qu'à Victoriaville en 2020, avoir des prophètes dans l'Église, ça peut faire peur, mais comprenez qu'il y a certainement dans l'Église actuellement des gens qui proclament la parole de Dieu, qui sont capables de la proclamer avec les bons versets au bon moment. Donc, le don de prophétie, c'est quelqu'un qui proclame les Écritures et qui répond à la Bible par la Bible. Donc, des fois, on lit un passage, mais on va essayer de se faire une perception de la chose, sauf que ça répond dans d'autres passages. Comme je l'ai fait tantôt, on l'a vu, tu sais, revêtir des sentiments modestes, bien, on voit que Dieu parle, qui fait grâce aux humbles. Donc, tout ça se tient ensemble. Que celui qui s'attache à son... Attendez un petit peu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Être appelé au ministère. Donc, dans les églises québécoises, on va souvent dire, « Ah, moi, je m'occupe du ministère de la louange » ou « Je m'occupe du ministère des enfants ». On va utiliser ce terme-là. Bien, ministère veut dire service. Donc, servir dans l'Église. Et là, ça peut être très large. Le terme grec, c'est diaconia. Ça vous fait penser à quoi comme mot? Diacre. Dans Acte 6, on voit qu'on nomme des diacres. Pourquoi? Pour qu'ils puissent s'occuper de servir aux tables, pour qu'ils puissent s'occuper des veuves, dans le but de libérer les anciens qu'on nomme les pasteurs, on les libère pour qu'eux se concentrent sur la prière et la parole de Dieu. Donc, dans les églises, il y a énormément de gens qui peuvent avoir le don du ministère, ou du moins être appelés à un ministère comme ça ici. Et c'est important de voir les occasions et de les saisir. Attendez pas toujours que le pasteur de l'église vienne vous voir pour vous dire « j'aurais besoin de toi dans tel spot là ». Ça peut arriver, hein, des fois on a besoin de le faire, mais d'autres fois, peut-être juste prendre un temps de prière. Hey, on a plein de temps ces temps-ci, on ne peut même plus aller voir de match de hockey puis d'aller au restaurant. Fait que si on prend un petit peu de ce temps-là pour prier puis demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hey, on n'est pas en arrêt, là. Ça fonctionne encore, là, l'Église de Dieu. Donc, Seigneur, montre-moi les occasions, puis aide-moi à trouver une façon de libérer mes pasteurs. Ça, c'est vraiment là. Pour avoir été longtemps pasteur à Shawinigan, je sais que quand on a des gens qui viennent nous voir et qui disent « j'aimerais ça faire telle chose, hey, let's go, j'avais tellement besoin, on va te montrer comment puis on va te mettre en charge, ou si tu n'es pas à l'aise d'être en charge, on va t'intégrer dans un groupe. » Bref, allez voir vos pasteurs puis aidez-les. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc ici, enseignement, il faut faire attention, hein, parce que prophétie, enseignement, ça peut ressembler, mais il y a des petites différences. Être prophète, là, c'est de proclamer la parole de Dieu. Mais enseigner, c'est vraiment d'instruire, mais d'une manière régulière. Donc, c'est de prendre le temps dans la semaine. Ce que je suis en train de faire présentement, c'est de l'enseignement. Okay? C'est d'être capable de prendre la parole de Dieu et qu'elle puisse être puissante pour le cœur des auditeurs. Puis il y en a qui l'ont plus que d'autres, puis des fois, il y a un verset que là, vous faites « Ah, ça, c'était vraiment bon », puis d'autres que vous faites « Oh boy, il passe à un autre verset ». On vit toutes la même chose. Mais l'enseignant, comme présentement le prédicateur, il a vraiment un don d'enseignement, ou du moins, il faut qu'il s'attache à son enseignement. Et les dons peuvent être, hein, sur une échelle de 1 à 10, il y en a qui l'ont un petit peu, il y en a qui l'ont beaucoup. Ce n'est pas tout au même niveau, puis c'est ça qui est beau. Ça fait différent. Mais enseigner, ce n'est pas juste le prédicateur en avant. Ça peut être un enseignant à l'école du dimanche, pour les enfants. Mais ça peut être aussi un responsable de SEMBEC, exemple, hein, du séminaire qu'on a, qu'il y a des cours, là. Ça peut être un professeur, là. Ça peut même être quelqu'un qui a à cœur le grand mandat. Hein, le grand mandat, Jésus qui dit à ses apôtres, faites, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a le principe d'enseigner ici, d'amener des nouveaux croyants vers Jésus. Simplement les prendre par la main, les amener au pied de la croix, puis que Dieu va faire son œuvre à travers ça, ce sont aussi des enseignants. Donc, des gens qui sont plus dans l'ombre, mais qui font un travail exceptionnel. On a besoin de ces gens-là aussi. Alors, enseigner, c'est expliquer la parole de Dieu et l'appliquer au cœur des auditeurs. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. C'est intéressant, ça. Donc, exhorter. Je ne sais pas, vous, dans l'église ici, à Victo, nous, à Shawinigan, exhorter, là, si je dis ça à quelqu'un, ça veut surtout dire avertir. Avez-vous cette pensée-là ici? Je t'exhorte à. Donc, je vais t'avertir dans quelque chose. Puis, c'est effectivement vrai, mais c'est plus large que ça. Dans le contexte ici, exhorter, regardez, c'est tout ça, là, et même plus. Ça peut être de conseiller un jeune leader. Hein, je vous disais, les plus vieux ici, les vieux routiers, hommes et femmes, vous pouvez aider les plus jeunes à prendre leur place dans l'Église. Vous pouvez encourager à persévérer. On peut avertir effectivement quelqu'un à se détourner de la mauvaise voie. Ça peut être d'affermir un croyant qui traverse une épreuve difficile. Ça peut être de consoler un frère ou une sœur qui vit des ennuis. Et ça peut être d'accompagner un ami qui vit un deuil, un découragement. Donc, vous voyez, exhorter, c'est très large. Et encore là, vous qui êtes assis devant moi, ou en arrière de moi, ou chez vous, bien, peut-être que vous avez ce don-là d'exhorter. Mais pas juste avertir, c'est bien d'avertir, surtout quand on est basé sur la parole de Dieu, mais c'est plus large que ça. Il y a le principe de conseiller, de consoler, d'affermir. Donc, gênez-vous pas. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alors, il y a le principe de donner. Mais encore une fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'entends donner, je pense tout de suite à l'argent. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas juste dire ça ici. Encore une fois, dans le contexte, donner ici, c'est donner de sa propre personne, d'une manière sacrificielle. Alors, donner de sa propre personne de manière sacrificielle, bien, c'est par exemple donner de votre temps sans compter. Okay? Ça peut être, et qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Autant des gens dans l'Église que des gens dehors de l'Église. Il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide. Il ne faut pas non plus tomber dans « je veux combler les besoins de tout le monde ». Vous allez virer fou, je vous le dis tout de suite. Mais jusqu'où Dieu veut que j'aille dans tout ça, là? Qui veut que j'aille aider? Alors, on a la possibilité ici de donner de notre temps sans compter. Et ça peut être effectivement aussi de donner de votre argent sans rien attendre en retour. On a un exemple concret dans la Bible de gens qui ont été un petit peu égoïstes avec leur argent. Dans Acte 5, on a Ananias et Saphira qui ont, qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres? Ils ont vendu leur terrain, je vous le dis à la manière Patrick, là. Ils ont vendu leur terrain, puis ils ont gardé une partie pour eux autres dans leur poche, puis ils ont donné l'autre partie à l'Église, puis ils ont dit, « Voilà, c'est pour vous. » Puis là, les gens font, « Waouh, ils sont donc bien généreux. » Mais Dieu voit au cœur. Et là, c'est là qu'on voit qu'ils ont été sévèrement repris, tellement sévèrement qu'ils en sont morts. Alors, c'est un texte vraiment intéressant. Dieu ne va pas nécessairement faire mourir tous ceux qui sont égoïstes, là, c'est pas ça que ça veut dire, mais on a une image claire ici de faire attention. Alors, l'idée, c'est vraiment de donner notre argent sans rien attendre en retour. Il n'y a pas place à la corruption ou à la collusion ici dans l'Église. On le fait par amour, tout simplement. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc, présider, ça, je pense que ça peut aider un petit peu, là. Le mot est assez évident, mais c'est le fait de se tenir debout devant les gens. Puis, se tenir debout devant les gens, ce n'est pas comme je suis debout devant vous. Ça peut faire ça. Mais c'est plus large que ça. Ça peut être, c'est tout ce qui est leader, ancien, pasteur, diacre, diaconesse. responsable d'un groupe pour les rénovations dans l'église, responsable de la pouponnière. Donc, vraiment, un leader, mais on demande de présider et le faire avec zèle. Donc, le mot zèle ici, bien, ça veut dire vraiment une ardeur à servir. Ce n'est pas s'asseoir sur ses lauriers et attendre que la vie passe. C'est de prendre au sérieux la responsabilité de votre ministère à l'Église. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'il faut se la couler douce dans notre ministère. Au contraire, on aime tellement Jésus qu'on va se donner à 100% dans notre ministère. C'est ça que ça veut dire. Et se donner à 100% ne veut pas dire tomber en dépression. Vous voyez, il y a un juste milieu, là. Se donner à 100%, c'est peut-être qu'on a peut-être besoin de gens pour nous aider à quelque part. Donc, peut-être c'est d'aller chercher des gens, de bien s'entourer. Le maire de Québec avait lâché une phrase, je ne sais pas si ça vient de lui, mais j'ai toujours aimé cette phrase-là. Les gens disaient, c'est quoi ton succès, hein? Comment tu fais pour avoir du succès comme maire? Il dit, ah, c'est super facile. Il dit, je suis tellement pas bon que je m'entoure des meilleurs. Fait que de cette façon-là, ça donne l'impression, parce qu'on voit juste ma face, ça donne l'impression que ça se passe bien, mais il y en a plein, là, comme des petits canards, hein, tu sais, qui ont l'air à bien aller, mais en dessous de l'eau, ça pédale en souplet. Fait qu'il s'est entouré des meilleurs. On peut faire la même chose à l'Église. Bien s'entourer avec les dons de chacun. Et présider, c'est aussi de voir l'Église comme la cause que nous servons avec dévouement, avec attention, constance et persévérance. Et finalement, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je lis « pratique la miséricorde », miséricorde, je pense tout de suite à Dieu. Hein, la miséricorde de Dieu, il nous a pardonné, mais d'une manière tellement miraculeuse. On appelle ça la miséricorde. Mais dans le contexte ici, évidemment, ça a ce sens-là un peu, mais là, on parle vraiment des humains. Donc, pratiquer la miséricorde, c'est être sensible au malheur des autres. Pratiquer la miséricorde, c'est être sensible au malheur des autres et leur fournir les outils pour les affermir, les consoler. Donc, il y a un peu d'exhortation là-dedans aussi. Et il y en a ici présents qui l'ont vraiment, ça. Puis là, je vous ai mis des exemples un peu clichés, là, je le sais, là. Tu sais, quand on parle de visiter les malades puis de prendre soin des sans-abri, là, ça revient souvent, ça, dans l'Église, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens. Mais que voulez-vous, ça reste des bons exemples quand même. Moi, personnellement, là, visiter les malades à l'hôpital, c'est pas ancré en moi. Je veux pas mal faire, c'est juste que dans 24 heures, dans une journée, si j'ai l'opportunité d'aller parler de Jésus à un nouveau croyant, je vais être plus tenté d'aller vers ça. Mais d'autres personnes, eux autres, vont être plus tentés d'aller visiter les malades, d'aller visiter même les frères, les sœurs dans l'Église qui sont plus malades. Puis cette semaine, j'ai comme compris quelque chose avec ce passage-là. La personne qui est malade, là, normalement, elle ne s'attend pas que les 130, 150 personnes de l'Église viennent la visiter. Hey, t'imagines-tu, un à file de l'autre, toi, puis se laver les mains en plus avec la COVID, là, puis le masque, puis tout le kit, hey, c'est bien tout essoufflé, là. Ben non, elle s'attend que l'Église vienne la visiter. Mais avec le texte qu'on voit ce matin, l'Église, c'est nous. Donc, quand un membre va visiter un malade de l'Église, bien, c'est l'équivalent que comme si toute l'Église allait visiter cette personne-là. Vous comprenez? Donc, évidemment, je suis sûr que quand on est malade, on aime avoir de la visite. Ce n'est pas ça le problème. Puis, je pense même qu'il faut aller voir les gens pour ça. Mais mon point, c'est plutôt, le fardeau ne doit pas être sur les 150 personnes de l'Église. On se partage cette histoire-là. « Hey, gang, il y a quelqu'un de malade dans l'Église. OK, c'est beau, j'y vais aujourd'hui. Parfait, je vais y aller demain. » Tu sais, il y a moyen de se partager ça. Puis il y en a qui vont l'avoir à cœur plus que les autres. Puis ça fait partie de la vie. J'ai été longtemps à me battre, moi, parce que j'aime rencontrer les nouvelles personnes dans l'Église. Puis j'ai été longtemps à dire, « Comment ça, je suis presque tout seul dans l'Église qui veut faire ça. Crème, on est 130, 135 à l'Église, là. Il devrait bien avoir d'autres mondes qui veulent. » Puis là, j'ai compris. Il y en a d'autres. C'est juste qu'ils sont plus... Je ne vois pas nécessairement ce qu'ils font, mais il y en a qui le font. Mais ça n'a pas besoin d'être tout le monde qui le fasse aussi fort que moi. OK? Dieu va nous mettre, il va nous donner des dons, il va nous donner une force avec ces dons-là, puis chacun va l'exercer du mieux de ses capacités. Donc, je me suis enlevé cette pression-là. Moi, je sais que ma force est dans ce coin-là, puis il y en a d'autres que leur force, c'est d'aller visiter les malades, d'aller prendre soin des sans-abri. Peut-être les mamans seules à la maison, il y en a qui ont vraiment à cœur d'aller jaser avec eux parce qu'ils sont un peu tout seuls toute la journée, puis sont avec leurs enfants, fait qu'ils... Les enfants plus jeunes, des fois, là, quand tu es à longueur de journée dans le gang, ben, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu as le goût de voir la visite. Puis il y en a qui l'ont à cœur, ça. Fait que c'est ça qui est beau dans l'Église. Donc, écoutez, l'heure passe, je vois ça aussi. Ce matin, on a vu différentes choses qui ont rapport avec l'Église. Mais je reviens à mon titre de ce matin. Quand je prends le bon chemin, ma vie a un sens. Et pour toi ce matin, qui viennent d'apprendre que le bon chemin, c'est Jésus, bien, retarde pas une minute de plus. Prends-lui la main. OK? Fais juste lui faire confiance. On ne comprend pas tout au début. On se dit, bien voyons, je fais-tu la bonne chose, puis tout. Moi, je te le dis, tu fais la bonne chose, je te donne ce matin un morceau de casse-tête, puis à un moment donné, il va y avoir d'autres gens qui vont t'aider à avoir d'autres morceaux. Et là, à un moment donné, on va voir l'image que ça va donner. Et ça prend des fois des mois, ça prend des fois des années. Mais en bout de ligne, on le sait tous, que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Puis quand je dis qu'il mène à Dieu, là, c'est la destination finale la plus heureuse que vous ne pouvez pas avoir. C'est fini là, les déprimes un coup qu'on est à Dieu. Moi, là... Je le dis souvent, là, si en m'en retournant à Shawinigan-Sud tantôt, je fais un accident puis je meurs, c'est pas que je le souhaite humainement parlant, là, ça serait plate pour vous autres aussi d'entendre ça, mais dans les faits, là, tabarouette, je sais que je vais être à la meilleure place qu'il faut. Là. Avec Dieu, plus de déprime. Fini la COVID, fini les divorces, fini le stress, hein, c'est tellement un mot qu'on entend ces temps-ci, le stress, l'anxiété, c'est fini tout ça. Donc, je vous encourage dès maintenant à dire, je remets ma vie dans les mains de Jésus. Je sais que j'ai fait des niaiseries, mais je sais qu'il me pardonne. Puis le reste, le Saint-Esprit va vous travailler. Et pour toi ce matin qui dit, moi ça fait très longtemps que j'ai compris ça, ce bout-là, mais le passage de ce matin est pour toi aussi. Il y a des choses à faire pour que l'Église locale de Victo soit vue comme une lumière à Victo. Et les choses à faire, ce n'est pas une pression qu'on se met, c'est que Dieu nous donne à chacun d'entre nous au moins un don. Et si tout le monde l'exerce, l'Église va être vue vraiment comme une lumière ici. Et les gens vont faire, « Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi aussi, je veux faire partie de ce groupe-là. Regarde-moi l'amour qu'il y a ici. » On est comme dans une bulle sécuritaire parce qu'on a Dieu qui est là, on a Jésus qui est avec nous à tous les jours. Les gens veulent faire partie de ça. Donc, celui qui a le don de la prière, bien, qu'il l'utilise. Puis celui qui dit, moi, je n'ai pas le don de la prière, je voudrais t'amener dans un autre passage qui dit de prier sans cesse. Donc, on doit prier quand même. Mais pour vrai, là, on ne se laisse pas avoir par les choses qui nous dépriment. On fait confiance au Seigneur et on prie, on lui demande d'attirer des nouvelles personnes à lui. Amen. Donc, je vais prier pour terminer ça. Seigneur Dieu, ce passage ce matin... Et qu'on apprend des affaires, puis je suis encore en avant devant ces gens-là, puis j'apprends encore toute la semaine, tu m'as mis là-dedans, puis j'ai appris à tous les soirs, à tous les jours. Je te remercie, Seigneur, d'être là. Je te remercie de faire en sorte qu'on relit et relit toujours les mêmes versets, puis tu nous montres encore des nouvelles choses. Et Seigneur, ce matin, on a vu à quel point c'est important d'exercer le don que tu nous donnes. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de révéler les dons aux gens. Je te demande également qu'on puisse les exercer, même si on est un peu prisonnier de la vie actuellement, avec nos masques, puis le fait qu'on ne peut pas aller rencontrer les gens comme on voudrait. Toi, Seigneur, tu sens les mains, puis tu ne l'as pas échappé. Tu contrôles parfaitement la situation, et c'est ce qui fait qu'être ton enfant, c'est rassurant. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous dans le contexte. Merci de nous réserver une place à tes côtés. Et merci pour Jésus qui m'a sauvé. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie. Je méritais aucunement ça. Et tu as fait une œuvre merveilleuse. Et tu le fais avec les gens d'avant de moi aussi. Au nom de Jésus. Amen.